Elle s'ajuste. Elle s'ajuste avec le temps. Elle s'ajuste graduellement. Ça me fait penser à une mère qui profiterait de la crise de son bébé qui a la gueule ouverte pour tous les vulgateurs dans la foi. Exactement ça. C'est exactement ça. Ils te font une déjeuner pour faire sa gueule. Ça me fait chier aussi. Exactement. Mandy va te le dire. Tu es content. Mandy va te l'expliquer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je ne veux pas y aller au demander. Je ne te blâme pas. Alors, je vais une fois. C'est ça. Alors, tu t'écoutes, tu trouves bon, c'est bon. C'est un début. T'es pas parfait encore, mais t'es bon. Ah! Il y en a pas qui m'agroche, là. Tantôt, quand tu disais, il faut absolument avoir le discernement. C'est essentiel. Oui, je le sais. J'ai bien compris, ça. Sauf que ce que je comprends avec ça, c'est que pas le discernement, c'est pas un cadeau que j'ai. C'est un outil, le discernement. C'est notre cadeau. C'est un cadeau, le discernement. C'est un cadeau. Si tu comprends pas que le discernement, c'est un cadeau, c'est parce que tu l'as pas en gros. Dis ici. C'est des tâches avec les personnes. Tu sais, moi, je dis aux gens, mettez-vous des psychologues, parce qu'il faut l'amener dans vos affaires. Parce que les psychologues, ils jouent des anciens. Hein, qui jouent avec les gens, qui les expliquent. Oui, ils savent pas. Bon. Fait que, bon, j'essaie bien d'être respectueux de l'idée des gens, de la vie des gens, puis du plan d'évolution des gens. Alors, voici que j'ai une madame. Moi, je sais-tu si, dans son plan d'évolution, s'il faut qu'elle passe par le test psychiatrique ou pas. Moi, là, je travaille comme un peu par rapport aux entrevues, là, tu sais, pour essayer de voir quelque chose de bien. Puis, sérieusement, il y a rien sur ces notes-là. Franchement, il y a rien. OK. Bon, je l'ai la réponse parce que... c'est parce que c'est être lié à sa mère. Ça, c'est, ils servent des liens, tu sais, les cordons musicales émotionnels, là. Ils servent des liens émotionnels. Puis au fond, le test psychiatrique, pour qu'elle aille, pas à cause du test psychiatrique, mais c'est parce que c'est avec ça qu'il va séparer de sa mère. Elle va sortir de là, on va être correct, parce qu'elle va être séparée de sa mère, pas à cause du test psychiatrique. Non, non, non. Bon, ben, j'en viens. Je connais. Deuxième tableau. Le deuxième tableau, il est implice à un tel point que si t'as pas, c'est dur. Quand tu es en conversation avec des entités négatives, tu représentes toujours sur le plan matériel le prince de lumière. Tu peux-tu comprendre ça? Oui, parce que chez nous, c'est... Tout le temps. Tu représentes toujours le prince de lumière sur le plan matériel. Comment tu arrêtes deux yeux croches? Tu es toujours le plus fort. Ça veut dire deux choses. Doute-toi et jamais. Puis questionne-toi et jamais. Parce qu'il y en a qui ont des langues sœurs. Ils vont te répondre, Charlie, toujours pour te faire vibrer, pour casser ton emprise sur eux autres, parce que t'as une emprise sur eux autres. Puis comment est-ce qu'ils peuvent casser ton emprise sur eux autres? C'est par ton émotionnel. Puis ils savent bien les affaires. Dans l'un des séminaires, tu m'as traité de crise de bâtisseur. C'est bon. Bon, je suis la princesse des ténèbres. Bon, mais non. Je suis sûr de tout. Bon, c'est ça. Fait que ça teste ta résistance émotionnelle. Ça teste. Puis ça teste. Puis ça teste. Le toit, ça, c'est bien important. Vous êtes toujours des princes de lumière sur le plan matériel. Puis, troisièmement, quand vous êtes en convocation avec eux autres, en relation vibratoire avec eux autres, réalisez toujours qu'ils sont extrêmement sans intelligence. Ils sont extrêmement sans intelligence. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement en dehors de lui. C'est eux qui sont là. M'ont dit une fois les toilettes, ça me dit traite les ténèbres. Comme un chien qui est bien éclairé. Ah, c'est ça. C'est parfait. Quand tu l'aimes, tu n'as pas peur. C'est ça. C'est toi qui avais chien vrai. Eh bien, tu ne laisses pas manger la fin de la C'est ça. Exactement. Exactement.

travail, nous avons parlé de tous les cas dont elle parle, mais moi, je ne sais pas en tant que psychologue. Merci. Tu peux pas penser à ça. Être absolu, c'est être. Quand tu es, tu es absolu. Être absolu, c'est être. Quand tu es, tu es absolu automatiquement. Ça va, je dis ça. L'agir, c'est de rendre l'être dans le temps matériel. Agir, c'est de manifester l'être dans le temps matériel. C'est important d'être absolu. Ça se dit pas, ça se dit entre nous autres. Ça se dit pas dans une convention d'hommes qui pensent ou qui sont pas conscientisés. Parce que les gens pensent puis ils jugent ce que tu veux. C'est pas ça que tu veux dire. Être absolu, ça veut dire l'énergie part. Tu fonctionnes comme un canal. OK. Quand tu as maîtrisé pas mal ça, tu t'en fais, tu sens bien. Tu sens bien. Tu sens bien que tu apprécies d'être bonne. C'est ça. Sauf que, il arrive que tu écoutes, tu fais plus d'argent. Ouais, ben c'est parce qu'à ce moment-là, tu travailles pour rien. Moi, il y a bien du monde qui dit ça, mais je sais pas comment. Bon. Si tu travailles pour rien, la merde là, si tu travailles pour rien, tu te vides. Si tu te vides, tu perds de l'énergie. Éventuellement, tu te fatigues. Puis éventuellement, t'en as plein de casse. Puis éventuellement, il faut que tu changes la vapeur. Parce que pour être bien dans ta peau, il faut que tu fonctionnes. Tu as besoin d'argent pour fonctionner. Sans ça, c'est du bénévolat. Puis du bénévolat, c'est une forme de spiritualité. Ouais, mais moi, je suis bien capable de discerner le bénévolat. Ça semble bien le bénévolat. Je sais c'est quoi le bénévolat. Je ne veux pas en faire. Mais ils sont encore même plus loin, c'est ça. Parce que quand tu commences à t'éclairer, au plan de l'argent, curieusement, le lendemain, tu tiens trois tours dans les rendez-vous. Il marche avec ça aussi. Quand tu discernes les esprits que tu vas prendre comme ça, tu n'as pas pris la tête. Il s'en va sur le plan matériel. C'est ça, exactement. Exactement. Puis ça, le doute que tu peux donner ta vie, c'est bon en fait. Parce que tu te dis, ben là, le sang va faire. Il ne vient pas se mêler de tes affaires d'argent. Tu commences à faire croire, puis ça se fait pas. C'est moi qui ai mis ta vie, c'est moi qui vais faire mon emploi. L'argent, c'est ordinaire. C'est bien ordinaire. Les phares. Ça n'a jamais expliqué, été expliqué, les phares. Personne n'a jamais expliqué les phares. Ils nous en ont donné des phares. Des belles, des grandes, des sacrées, tout là. Mais personne n'a jamais ma hache dedans. Là, je la ma hache dedans. Moi, j'ai fait venir deux personnes dans un séminaire. Pour rien. Ils ne sont pas restés à la fin du séminaire. Ah. Tout bon. Ça gueule, ça plagisait. On n'est pas capable, mon danger, tu fallait venir. Il y en a un qui est parti vendredi soir, puis l'autre est parti samedi. Parce qu'ils n'ont pas la forme, parce que les gens sont dans les forts, mais ils n'ont pas la forme assez forte pour les tenir. Quand tu as payé 100 piastres, c'est de l'argent à 100 piastres, pour une fin de semaine, pour te faire engueuler par un gars croche comme moi. Tu viens d'avoir pour ton argent. Là, il reste carré. Mais les deux sont partis. C'est ça qu'ils me l'ont fait faire. Puis jamais j'en accepterai une autre personne qui ne payera pas d'un séminaire. Quand même, qui sera vieux, qui sera vert. Je dirais, payera 5 piastres par 5 cents par semaine. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Envoyez Gisèle 5 cents par semaine. Mais envoyez-les 5 cents. Comment ça prendrait 10 ans? Faut que je peux attendre longtemps. Mais envoyez-les 5 cents par semaine. Il faut que ça tombe sur ces deux-là. Ils sont chiens en haut. Tu sais, quand tu veux te faire comprendre quelque chose. Puis quand j'ai commencé les séminaires, j'ai dit, comment est-ce que je charge pour ça? Il dit 50$ pour nous autres, 50$ pour toi. Ils m'ont répondu non.